Première partie, chapitre 8 de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes, par Saint-François de Sales. Première partie, chapitre 8. Comment l'on peut parvenir à ce second degré de pureté d'âme ? Il faut pour cela se former une vive et forte idée de tout le mal que porte le péché, afin que par la componction du cœur, elle nous excite à une forte et profonde contrition. Quelque faible que soit la contrition, pourvu qu'elle soit véritable, elle suffit pour purifier notre âme du péché, surtout quand elle est soutenue de la vertu des sacrements. Mais si elle est véhémente et pénétrante, elle va jusqu'à purifier le cœur de toutes les mauvaises affections qui dépendent du péché. Remarquez cet exemple. Si nous ne haïssons un homme que faiblement, il n'y a guère que sa présence qui nous fasse de la peine, et nous nous contentons de la fuir. Mais si nous le haïssons mortellement et violemment, nous ne nous en tenons pas à cette répugnance de cœur et à cette fuite. L'horreur que nous en avons se répand jusqu'à sur ses alliés, ses parents, ses amis, dont nous ne pouvons souffrir la conversation. Son portrait même nous blesse les yeux et le cœur, et généralement tout ce qui a quelque rapport avec lui nous déplaît. Ainsi, quand le pénitent n'est que légèrement touché de la haine de ses péchés, et n'en a qu'une faible contrition, mais très réelle, il ne laisse pas de se déterminer de bonne foi à ne plus pécher, mais quand sa haine est bien vive, et sa douleur bien profonde, il déteste tout ensemble et efficacement le péché, toutes les affections au péché, toutes ses habitudes, et tout ce qui lui peut servir d'attrait et d'occasion. Il faut donc, filoter, donner à la douleur de vos péchés toute la force et l'étendue que vous pourrez, afin qu'elle s'étende aux moindres circonstances du péché. C'est ainsi que la Madeleine, dès le premier moment de sa conversion, perdit tellement le goût de ses plaisirs qu'elle n'en retint pas même l'idée. C'est ainsi que David protestait qu'il haïssait le péché, les voies et les sentiers du péché. C'est en cela que consiste le renouvellement de l'âme, comparé par le même prophète au renouvellement de l'aigle. Mais pour prendre vivement cette idée de la malice du péché et d'en concevoir une vraie douleur, il faut vous appliquer à bien faire les méditations suivantes, dont l'usage détruira dans votre cœur, par la grâce de Dieu, tout le péché jusqu'à ses racines. C'est à ce dessein que je vous les ai préparées, selon la méthode que j'ai jugée la meilleure. Vous les ferez l'une après l'autre en suivant l'ordre que je leur ai donné. Et n'en prenant qu'une pour chaque jour, je vous conseille, si cela est faisable, que ce soit le matin, parce que c'est le temps le plus propre aux fonctions de l'esprit. Après cela, vous en repasserez ce que vous pourrez en vous-même durant le jour, et si votre esprit n'est pas encore fait à la méditation, ayez recours pour vous la faciliter à la seconde partie de cet ouvrage. Fin du chapitre 8. Première partie.